بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، قد دخل علينا شهر مبارك، شهر عظيم، شهر تغفر فيه الذنوب، ويجعل المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من عتقاء النار. ومن خصوصية هذا الشهر أنه معروف بشهر الدعاء، فمطلوب فيه للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في خيري الدنيا والآخرة، وأن الدعاء في هذا الشهر المبارك حري لأن يستجاب من قبل الله تبارك وتعالى. Vous le savez tous, le mois du Ramadan, ce mois immense, ce mois béni, ce mois tant attendu est enfin arrivé. Ce qui fait partie des particularités de ce mois béni, l'accentuation des invocations. J'ai demandé aux musulmans et à la musulmane d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible, car c'est un mois dans lequel l'exaucement des invocations est plus propice que les autres mois. Ainsi, le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, doit choisir les moments propices et les lieux propices qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الدعاء بمنزلة عرفة للحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: الحج عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فمن أجل العبادات ومن أهم العبادات الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الذين يستكبرون عن دعائه سيدخلون جهنم داخرين، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ففي هذه الآية سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. Et la vocation fait partie des plus grandes adorations. Elle fait partie des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala les plus importantes et les plus méritoires. Elle est pour l'adoration comme Arafat l'est pour le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pèlerinage c'est Arafat, pour montrer l'immense importance de ce grand jour. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-du'a huwa al-ibada » L'adoration, c'est l'invocation. C'est-à-dire que l'invocation fait partie des adorations les plus importantes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie des invocations auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala accorde une attention particulière au point qu'il a mis en garde ceux qui oseraient s'enorgueillir dans leurs invocations, ou ceux qui, par orgueil, s'abstiennent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a mis en garde contre ces personnes et a dit, comme il le dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Quant à ceux qui s'enorgueillent dans mon adoration, je les ferai entrer en enfer, ils y rentreront humiliés, wal'iyadu billah. Ma'lamu ayyuha al-muslimun, anna lid-du'a'i shurutan wa adaba. Famin shurut ad-du'a awwalan 'adam al-i'tida'u fihi. Fa inna Allah jalla wa 'ala harrama al-i'tida'u 'umuman. فقال سبحانه وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لكن الله عز وجل حرم الاعتداء في الدعاء خصوصا فقال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين أي إنه لا يحب الذين يعتدون في الدعاء فما هو الاعتداء في الدعاء؟ هذا ما سنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. Et la vocation, bien sûr, comporte des règles à respecter et une conduite à suivre. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ne se fait pas de n'importe quelle façon. C'est presque un art qu'il faut respecter dans toute son importance. Et parmi les choses qui sont interdites vis-à-vis de l'invocation, c'est le fait d'être offenseur dans cette invocation. Allah Azza wa Jal a interdit d'offenser et d'oppresser de façon générale lorsqu'il a dit « Et n'oppressez pas, car Allah n'aime pas les oppresseurs. » Mais il a interdit l'oppression dans l'invocation de façon précise. Lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, invoquez votre Seigneur avec humilité et crainte, car il n'aime pas les oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui sont oppresseurs au moment où ils invoquent et dans leurs invocations. ومن أول الاعتداء ومن أهم الاعتداء وأخطر الاعتداء الشرك بالله سبحانه وتعالى و وهو أن تدعو غير الله أو أن تدعو مع الله غيره فهذا من أكبر الاعتداء وهو اعتداء إذا مات المسلم وهو في هذه الحالة لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. La plus grande des oppressions dans l'invocation, c'est d'invoquer autre qu'Allah, ou d'invoquer avec Allah autre que lui. Car certaines personnes disent effectivement, je n'invoque pas autre qu'Allah, j'invoque Allah, mais j'invoque aussi d'autres personnes que j'utilise comme intermédiaire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui disons, les deux sont identiques. Celui qui adore ou celui qui invoque autre qu'Allah, ou celui qui invoque Allah et autre qu'Allah, les deux sont similaires. Qui invoque autre qu'Allah fait partie du grand associanisme. Celui qui fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah, cet associanisme, lorsque le musulman meurt dans cet état, sans s'être repenti auparavant à Allah subhanahu wa ta'ala, n'entrera pas au paradis et n'en sentira pas l'odeur, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui m'associent ou ceux qui associent Allah azza wa jalla autre que lui, Allah leur interdira l'entrée au paradis. وكذلك من الاعتداء في الدعاء الابتداع فيه فالحذر الحذر أيها الإخوة والأخوات من الابتداع في الدين فإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته فاحذر من الدعاء احذر من البدعة بجميع أنواعها واحذر خصوصا من الابتداع في الدعاء في partie de l'oppression dans la vocation le fait d'innover et prenez garde chers frères et sœurs à l'innovation dans la religion car l'innovation est plus aimée chez le diable que la désobéissance car on se repent d'une désobéissance Mais dans la plupart des cas, on ne se repent pas d'une innovation. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Ceci, car celui qui innove dans sa religion pense être dans le bien, pense être dans la vérité et n'a donc rien à se reprocher. Et ceci a pour résultat qu'il ne se repent pas, voire même ne pense même pas à se repentir. Quant à celui qui est dans le péché, quant à celui qui est plongé dans la désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît son tort, il admet sa faiblesse, et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettra en œuvre tous les efforts nécessaires pour revenir vers son Seigneur et se faire pardonner ses péchés. من الاعتداء في الدعاء الدعاء على النفس والدعاء على الأولاد والدعاء على الأهل والدعاء على الأموال كل ذلك من الاعتداء في الدعاء وهو محرم في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم فلعل الله تدعون في وقت يستجاب أو يستجيب الله لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم إن هذه الاستجابة استجابة تعقيب أي عقاب له لأنه دعا بدعاء محرم واعتدى في دعائه في partie de l'oppression également dans la vocation le fait d'invoquer contre sa propre personne ou d'invoquer contre ses enfants, sa famille ou d'invoquer contre ses biens tout ceci fait partie de l'oppression dans la vocation et est interdit par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit n'invoquez pas contre vous ni contre vos enfants ni contre vos biens de peur que votre invocation ne coïncide avec un moment dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous exaucera et les savants disent que si Allah azza wa jalla exauce une telle invocation c'est en guise de châtiment à celui qui a proféré une telle invocation interdite en islam. ومن الاعتداء في الدعاء أيضا عدم الاعتجال عدم الاستعجال في الدعاء فإن مع شديد الأسف كثير من الناس يستعجلون لما يدعون أي يريدون أن الإجابة تكون فورا وتكون في أقرب وقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بنسم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. فقالوا يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي فيستحسر أو فيستحسر فيدع الدعاء والعياذ بالله. فالاستعجال في الدعاء لا ينبغي وهو غير مطلوب. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فإن الإجابة على دعائك إما تكون فورا أو بعد حين، وإن لم تكن في هذه الدنيا فإنها ستكون في الآخرة. وها هو إبراهيم عليه السلام دعا بدعاء مبارك وقال كما في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد آلاف السنين ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم، أنا دعوة إبراهيم، أي أنا الرسول الذي دعا إبراهيم عليه السلام الله ببعثه للناس، لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ودعاء إبراهيم استجيب له بعد آلاف السنين. وكذلك من الاعتداء في الدعاء الدعاء للنفس بالموت لضرر أصابها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، من قبل أن يأتيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، كما في صحيح مسلم. في partie également de l'oppression, dans l'invocation, le fait de s'empresser à avoir et à constater l'exaucement de cette invocation. Beaucoup de gens et beaucoup de musulmans tombent dans ce piège, à savoir que lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent voir le résultat dans les plus brefs délais. Et ceci n'est pas un comportement à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vos invocations ne cesseront d'être exaucées tant que vous n'invoquez pas un mal, ou tant que vous n'invoquez pas ou que vous ne demandez pas un mal, ou bien de rompre vos liens de parenté, tant que vous ne vous empressez pas. Ils ont dit: oh, envoyé d'Allah, que signifie l'empressement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est le fait de dire j'ai invoqué et invoqué et invoqué et je n'ai pas été exaucé. Il perd alors espoir et regrette et délaisse par la suite l'invocation. Le fait de s'empresser à avoir un retour va t'amener au fur et à mesure du temps à délaisser l'invocation Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah azza wa jalla, il a dit: oh Allah, envoie-leur un prophète parmi eux. Et ce prophète était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Ibrahim alayhi salam et notre envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des milliers d'années qui les séparent. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit: je suis l'invocation de Ibrahim. Je suis la vocation d'Ibrahim. Le musulman ne doit donc pas désespérer. Lorsqu'il ne voit pas son exaucement, lorsqu'il ne le constate pas, il ne doit pas avoir de regrets. Et le musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala doit connaître le secret de cette invocation. Le plus important dans la vocation, ce n'est pas le résultat que tu attends, non, loin de là. Le plus important dans la vocation, c'est le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, de se rabaisser devant le Seigneur de l'univers et d'admettre sa faiblesse, d'admettre ses torts et de lever ses mains en toute humilité à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant les biens de cette vie d'ici-bas et les biens de l'au-delà. S'il n'y avait dans la vocation que le fait de s'humilier devant Allah azawajal, cela suffirait amplement. Le musulman qui invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir cela dans son esprit et donner plus d'importance à cet acte d'adoration qu'il accomplit plus qu'au résultat qu'il attend. D'une part et d'autre part, il se peut que le fait que ton invocation soit retardée soit un bien pour toi. Qui te dit? Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé ton invocation, mais qu'il a exaucé ou qu'il t'a accordé quelque chose de meilleur, une chose meilleure que ce que tu as demandé. Et qui sait, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé ton invocation pour te donner une récompense plus grande le jour du jugement. Et en voyant cette récompense, tu espéreras alors n'avoir eu aucune invocation exaucée dans cette vie d'ici-bas. Il ne faut donc pas considérer une invocation non exaucée ou un exaucement que tu ne constates pas comme un manque. Non, garde espoir et aie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tant que tu es sincère et que tu fasses partie des personnes qui ont réuni toutes les conditions pour que les invocations soient acceptées. Car ce n'est pas toute personne qui invoque qui mérite que son invocation soit exaucée. C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite d'Aimela et d'Avala Kandahal. Également, le professeur Hassan nous a interdit d'invoquer la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous n'espère pas la mort, ni invoque la mort avant qu'elle ne lui parvienne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car lorsque l'un d'entre vous meurt, ses actions sont suspendues et la vie du croyant ne peut être qu'un bien pour lui. Lorsque tu es croyant, plus tu vis et plus ces instants que tu vis sont un bien pour toi, contrairement aux non-musulmans et à ceux qui ne cessent de désobéir à Allah Azzawajal, plus ils vivent et plus leur mal ou leur compteur de mauvaises actions s'accroît. وكذلك من الاعتداء في الدعاء سوء الخطاب مع الله سوء الخطاب مع الله كأن يرفع صوته بالدعاء رفعا يخل بالأدب وكذلك من الأدب في الدعاء تكثير وكذلك من عدم الأدب في الدعاء تكثير الكلام والتفصيل في الدعاء الذي لا حاجة فيه ولذلك قد جاء عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دعا فقال سمعني أبي وهو سعد بن أبي وقاص وهو من أجلاء الصحابة رضي الله عنه فقال ابنه سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا كأنه يقول وأشجارها وأنهارها وجواهرها إلى آخره ثم قال وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال له أبوه سعد بن أبي وقاص: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سيكون قوما يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإنك إن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. Également, il ne fait pas partie du comportement louable dans l'invocation le fait d'invoquer en donnant des détails superflus qui n'ont pas d'importance. Le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: mon père m'a entendu un jour invoquer et je disais: oh Allah, je te demande le paradis, ainsi que tes fleurs, ainsi que tes arbres, ainsi que tes joyaux, etc., etc. Et je demande ta protection contre l'enfer, contre ses chaînes, contre ses serpents, ses scorpions, sa chaleur, son pu, etc., etc. Et Sa'd ibn Abi Waqqas a dit: ô mon fils, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il viendra un peuple qui seront oppresseurs dans leur invocation, ne fais pas partie d'eux. Et il a dit, le professeur, et il lui a dit: si on t'accorde le paradis, on te l'accordera avec tout le bien qu'il comporte. Et si on t'épargne de l'enfer, on t'épargnera de l'enfer et de tout le mal qu'il comporte. Il faut donc retenir de cela que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala doit aller droit au but et doit citer, s'il doit citer des détails qui ont leur importance quant à dire des invocations qui n'en finissent pas, dans lesquels les détails superflus qui sont décrits ne font pas partie du bon comportement dans l'invocation. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو المسلم وهو متلبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا، فإن هذا من موانع استجابة الدعاء، فلذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال، ينبغي أن يتحرى الحلال، لأن الحلال له سر عجيب في قبول الأعمال، وكذلك الحرام معروف بأنه يمنع الخير ويسد أبواب الخير والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر، والسفر كما تعلمون الدعاء فيه مستجاب، فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذا من علامات التدلل والإذلال إلى الله سبحانه وتعالى والاحتقار. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب الإجابة أيضا، فويدا مسافر وأشعث أغبر ويمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وهذا أيضا أمر يعين على استجابة الدعاء، أن تثني على الله وأن تنادي الله قبل دعائك. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب لهذا الرجل؟ الذي تلبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا كيف يستجاب له؟ وهذا مسافر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء. ومع جميع هذه الأسباب الذي اتخذها لا يستجيب الله عز وجل لدعائه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننظر من أين يأتينا رزقنا، ومن أين تأتينا أموالنا، أمن حلال أم من حرام؟ لأن الذي تلبس بالحرام يمنع نفسه وهو لا يشعر من استجابة دعائه. Également, fait partie de l'offense dans la vocation, le fait d'être plongé dans l'interdit, de manger, de boire, de se vêtir de haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, Allah est bon et n'accepte que le bon. Et dans ce hadith long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis il a cité le cas d'un homme qui est en voyage, décoiffé, plein de poussière. Et vous savez que le fait d'être en voyage est un moment propice à l'exaucement des invocations. Celui donc qui est en voyage, il doit profiter de cette occasion afin d'accentuer ses invocations. Il est décoiffé, il est plein de poussière. Ceci montre une certaine humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et un rabaissement devant son Seigneur. Il lève ses mains, et ceci également est un moyen d'exaucement de lever ses mains dans ses invocations. Il dit: ô Seigneur, cela aussi est un moyen qui permet d'exaucer les invocations, le fait de précéder ton invocation par des éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'appelant par son nom, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mais sa nourriture est interdite, sa boisson est interdite, ses vêtements sont interdits, et il a été élevé dans l'interdit. Comment un homme comme celui-ci peut-il voir ses invocations exaucées? L'invocation de cet homme ne sera pas exaucée, et cela ne fait aucun doute. Malgré toutes les précautions qu'il a prises, malgré les causes d'exaucement qu'il a mis en œuvre, cela ne justifie pas un exaucement de la part d'Allah, car il est plongé dans l'interdit. Nous devons donc, chers frères et sœurs, revoir notre copie sur les revenus que l'on perçoit. Sont-ils d'une origine licite ou d'une origine illicite? Il faut revoir notre copie dans cela et être sûr et persuadé que les salaires que nous percevons sont des salaires licites, sont des salaires qui ne sont pas tachés ni par usure, ni par des objets volés ou des objets usurpés ou des objets assis malhonnêtement et illicitement, ou de l'argent issu de l'alcool ou autre. Il faut purifier notre argent et nos biens de tout ce qui pourrait être un obstacle entre nous et l'exaucement de nos invocations. Quant à celui qui a un doute, il demande aux gens de science et ils l'éclaireront bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika min al-adab fi ad-du'a 'adam at-ta'liq. عدم التعليق وهو أن يقول في دعائه: اللهم اغفرني إن شئت، أو اللهم أعطني إن شئت. فهذا ليس من الأدب في الدعاء، بل مطلوب من المسلم أن يكون جازما في دعائه، أن يقول: اللهم أعطني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم قني من عذاب النار. أن يكون جازما في دعائه، وأن لا يعلق دعاءه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Également fait partie des comportements dans l'invocation, le fait de ne pas suspendre son invocation à une condition, de dire par exemple: ô Allah, donne-moi si tu le désires, Oh Allah, pardonne-moi si tu le désires. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis, épargne-moi de l'enfer si tu le désires. Cela ne fait pas partie du comportement à avoir dans la vocation. Bien au contraire, le musulman doit être ferme dans son invocation et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en montrant, en marquant sa volonté et ne pas invoquer sous condition. Et dire, oh Allah, donne-moi, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, oh Allah, éloigne-moi de l'enfer, etc., etc. وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله عز وجل بقلب غافل لاه، فإنه ينبغي أن يكون العبد أن يدعو العبد بقلب حاضر وليس بقلب غافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه. فإذا دعوت الله عز وجل فادعوه كما قلت بقلب حاضر. فإننا نرى بعض من الناس يدعون وقد تجده ينظر يمينا وشمالا كأنه يقول قولا، بل أكاد أجزم أنه لا يعرف ماذا يقول، ثم يمسح وجهه ويظن المسكين أنه دعا الله سبحانه وتعالى. Celui qui invoque Allah Azza wa Jal doit le faire avec un cœur présent. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu te mettes en situation, c'est-à-dire que tu saches qui tu invoques, que tu saches comment invoquer, que tu saches ce que tu invoques, être présent à 100% dans ce moment d'invocation qui est, comme je l'ai dit, l'une des plus importantes adorations en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah en étant sûr de l'exaucement. Car Allah, et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation de celui qui invoque en ayant un cœur distrait. En ayant un cœur distrait, et c'est malheureusement ce que nous constatons, ce que l'on constate que certaines personnes qui invoquent Allah Azza wa Jalla en levant les mains, en regardant à droite, à gauche, en haut, en bas, en prononçant des paroles dont on peut presque être sûr qu'il ne sait même pas ce qu'il dit, puis à la fin de son invocation, passe ses mains sur son visage et le pauvre croit qu'il a invoqué Allah Azza wa Jalla alors qu'il ne l'a nullement invoqué. Et à titre de parenthèse, il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui légifère le fait d'essuyer son visage après l'invocation. Ceci fait donc partie des innovations en islam que le musulman doit s'abstenir et duquel il doit s'éloigner. وهنا تعليق لما قلته بالعربية أن مسح الوجه بعد الدعاء لم يرد فيه لا آية من كتاب الله ولا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة. فإذا دعوت الله عز وجل ورفعت يديك وانتهيت من دعائك فأترك يديك لا تمسح وجهك، فإن هذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل شر في ابتداع من خلف. ثم اعلموا أن هناك آدابا أخرى وهي كثيرة، لعلنا نتطرق إليها في فرصة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي بعض الآداب التي مطلوب بها المسلم من إخلاص وتوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من تضرع، وكذلك الدعاء في الرخاء والدعاء بخفض الصوت والتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، واختيار جوامع الكلم في الدعاء، وكذلك استقبال القبلة، فإنه أمر يعين على استجابة الدعاء، وكذلك الطهارة، أن يكون المسلم طاهرا حينما يدعو، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الوضوء سلاح المؤمن، وكذلك افتتاح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين، كل ذلك من أسباب استجابة الدعاء. Il y a d'autres comportements à voir qui sont nombreux et dans lesquels بإذن الله تبارك وتعالى سيرا le permet nous expliquerons à une occasion prochaine. Parmi ces comportements, le fait d'être sincère, de se repentir avant d'invoquer, de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer Allah azza wa jal dans les situations d'aisance et de ne pas consacrer ces invocations à Allah azza wa jal uniquement dans les moments difficiles. Également d'invoquer Allah azza wa jal à voix basse ou en baissant sa voix, de céder des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de choisir les meilleures paroles, de se diriger vers la Qibla, d'être en état de purification, car un musulman, ou car comme l'a dit le professeur Hassan, la purification, c'est l'arme du croyant. Également, le fait de précéder ces invocations par les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lever ses mains, et également de choisir les moments et les endroits propices à l'exaucement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عتقائه سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعونه تضرعا وخفية، لأنه سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.